إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، لا زال أعداء دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة يشيعون الإشاعات حول هذه الدعوة المباركة وأتباعها في هذه المدينة، مدينة مونبولي أو في غيرها من المدن، ويلمزونهم بالوهابية، حتى إن بعض الأئمة هداهم الله لكي يخوف آباء الإخوة، يقول لآبائهم: احذروا، إن أولادكم أصبحوا وهابين، وهو يعني إرهابيون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فدفاعا عن هذه الدعوة المباركة وكشفا لشبهات هؤلاء المغرضين، نبدأ وإياكم في سلسلة عن مفهوم الوهابية، ونبدأها بنبذة عن حياة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لزلمي دو ست دعوة لدعوة vers le livre d'Allah et vers l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, avec la compréhension de nos plus heureux d'Allah alayhim, n'arrête pas de propager, de faire des propagandes contre cette da'wa et contre les disciples de cette da'wa, ici à Montpellier ou ailleurs dans les autres villes. Et il les désigne comme quoi ce sont des wahhabis. Et certains imams, pour faire peur aux darons des frères, Il avertit, il dit aux parents: faites attention, votre enfant est devenu wahhabi. Pour lui, bien sûr, il veut dire terroriste. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله المستعان. Et pour défendre cette da'wa bénite min Allah Azza wa Jal, pour dissiper ces ambiguïtés de ces ennemis de cette da'wa, nous commencerons une série de cours autour de la qu'est-ce que c'est que la wahhabiyya. Et nous allons commencer ces cours par une biographie de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayh. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah huwa ibn Sulayman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid al-Tamimi, ولد سنة 1115 هجرية الموافق سنة 1703 ميلادية في بلدة العيينة الواقعة في شمال الرياض، ونشأ في حجر أبيه في تلك البلدة، وقد ظهرت عليه علامة النجابة والفطنة في صغره، فقد حفظ القرآن الكريم قبل بلوغ العاشرة، وبلغ الاحتلام قبل إتمام 12 سنة. قال أبوه: رأيته أهلا للصلاة بالجماعة وزوجته في ذلك العام. صنوص محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي رحمه الله بن تميم. Il est né au 1115 de l'Égir, qui correspond au long chrétien 1703. Il est né dans le pays de l'Uyayna, qui se trouve au nord de Riyad. Et il a grandi dans sa famille, éduqué par son père dans son pays. Et les signes de l'intelligence sont apparus chez Mohammed ibn Abdullah rahmatullah alayh alors qu'il était jeune. Il a mémorisé le Coran, il n'est pas encore arrivé à l'âge de 10 ans. Et il est devenu pubère avant d'avoir eu ses 12 années. Et son père a dit, comme je l'ai vu comme ça, j'ai vu qu'il était digne d'être l'imam pour la prière, pour le jama'a, je l'ai marié cette année. طلبه للعلم رحمه الله درس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد، وكان كثير الاعتداء والمطالعة بكتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم رحمه الله تعالى. Sa demande de la science, il a étudié chez son père le fiqh selon la voie d'El Hanbali, selon la voie Hanbalite. Et il a étudié aussi tafsir chez son père ainsi que le hadith. Étant petit, il était toujours penché sur les livres de l'interprétation du Coran, les livres du hadith et les livres des croyances. Et il donnait beaucoup d'importance, il avait donné beaucoup d'importance au livre de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi et de son disciple Ibn al-Qayyim rahimahumullah jami'an. Rahalatuhu rahila إلى مكة قاصدا حج بيت الله الحرام ثم زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتقى هناك بعلماء المدينة النبوية واستفاد منهم ثم رحل إلى البصرة فأقام فيها مدة درس العلم فيها على جماعة من العلماء ثم رحل إلى نجد مرورا بالأحساء وفي رحلته الطويلة هذه رأى الشيخ بثاقب نظره ما بنجد والأقطار التي زارها من العقائد الضالة والعادات الفاسدة فصمم على القيام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الخرافات والشركيات فعندما زار المدينة كان يستمع لاستغاثات الشركية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعائه من دون الله. Ce voyage pour la demande de la science, il a quitté d'abord, il a quitté son pays pour la Mecque, pour aller faire son pèlerinage. Après, il a été visiter la mosquée du prophète, alayhi salam, et il a rencontré les hommes de science de Médine, et il a appris la science chez eux. Après, il est allé vers le Basra, en Irak, et il s'est installé là-bas un certain nombre de temps. Et il a étudié là-bas. C'est un certain nombre d'hommes de science. Après, il est revenu vers Najd en passant par l'Ahsa. Et dans son long voyage, il a vu avec sa clairvoyance ce que vivaient les gens de Najd et tous les pays qu'il avait visités, comment ils étaient dans leur dogme, comment ils étaient dans un dogme égaré, comment ils avaient des mauvaises habitudes. Et partant de là, quand il a vu ce qu'il a vu, il a pris sur lui de faire da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, de faire da'wa vers l'unicité et de combattre les mythes et l'associationnisme dans toutes ses formes. Et quand il a visité Médine, il a entendu les gens demander secours au prophète alayhi salatu salam et de demander des choses directement au prophète alayhi salatu salam sans les demander à Allah. وقد كانت نجد مرتعا للخرافات والعقائد الفاسدة التي تتناقض وأصول الدين الصحيحة فقد كان فيها بعض القبور التي تنسب إلى بعض الصحابة يحج الناس إليها ويطلبون منها حاجاتهم ويستغيثون بها لدفع كروبهم. نجد était une région propice à tout ce qui est mythe, à tout ce qui est fausse croyance, ces croyances qui sont incompatibles avec la religion authentique. Il y avait des tombes qu'on attribue à certains compagnons du prophète, alayhi salam. Les gens faisaient leur pèlerinage vers ces tombes. Ils demandaient des choses directement à ces tombes. Ils demandaient secours. Ils leur demandaient secours. Ils leur demandaient qu'ils leur dissipent leur malheur, etc. وأغرب من ذلك توسلهم في بلدة منفوحة بفحل النخل واعتقادهم أن من تأمه من العوانس تتزوج فكانت من تقصده تقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. Et plus étrange que ça, c'est dans le pays de Manfouha, il y avait un étalon parmi les étalons des palmiers. Et les gens croyaient dans ça que la femme qui n'est pas mariée, s'il venait vers cet étalon des palmiers, il va être marié. Et les filles qui ne trouvaient pas à se marier venaient vers cet étalon des palmiers, ce mâle palmier, et ils disaient « Oh, fahl al-fuhul, oh le mâle des mâles, je veux un mari avant l'année. »« Ya fahl al-fuhul, je veux un mari avant l'année. » ورأى في الحجاز من تقديس قبور الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين والرسول صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي إلا مع رب الأرباب. Il a vu dans le Hijaz les glorifications qu'on faisait aux tombes des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام et des gens de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام que Allah سبحانه وتعالى les agrée, et ce qu'on faisait au prophète عليه الصلاة والسلام, tous ces rites qu'on vouait à cette tombe et aux gens de la famille du prophète alayhi salam et au prophète alayhi salam, ce qui ne doit être voué qu'à Allah azza wa jal. Il a été voué aux tombes des compagnons, aux tombes de la famille du prophète alayhi salam, au prophète lui-même alayhi salam, et tout ceci devait et doit être voué seulement à Allah azza wa jal. كما رأى في البصرة وسمع عن العراق والشام ومصر واليمن من الوثنية الجاهلية ما لا يستسيغه العقل ولا يقره الشرع ووزن تلك الأفكار المنكرة بميزان الوحيين كتاب الله وسنة الرسول الأمين وسيرة أصحابه المتقين فرآها بعيدة عن منهج الدين وروحه ورأى فاعليها لم يعرفوا لماذا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل ولماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة ورأى أنهم لم يعرفوا حالة الجاهلية وما كان فيها من الوثنية الممقوتة رآهم غيروا وبدلوا أصول الدين وفروعه إلا القليل. Il a vu Al-Basra, il a entendu en Irak, ainsi qu'au nord de l'Arabie, ainsi qu'en Égypte et au Yémen, tout ce qui s'adorait en dehors de l'Allah. Et il a entendu parler de ce paganisme, qu'aucune raison n'accepte et que la législation n'approuve pas. Et il a pesé tout ça avec la clairvoyance de et la lumière, il a pesé tout ça avec la lumière de la révélation qui est le livre d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam et la biographie de ses nobles compagnons. Et il a vu que toutes ces pratiques étaient loin de la voie de la religion et de l'âme de la religion. Et il a vu que ceux qui faisaient ça et qui vouaient ces actes à autre qu'Allah Azza wa Jal, ces actes qui ne sont dus qu'à Allah Azza wa Jal, les vouaient à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et il a compris qu'il n'avait pas connu pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salam à toute l'humanité. Et il a compris qu'ils ne connaissaient pas la situation du paganisme avant l'arrivée de l'islam. Et il a vu qu'ils ont changé les fondements de la religion et les détails de cette religion. Sauf peu de choses qu'ils n'ont pas pu changer. Fabada ada'watu. فبعد أن ثبت وتحقق لديه حالتهم سيئة في دينهم ودنياهم وإيقن أنهم قد أدخلوا في وصول الإسلام العليا ما يأباه القرآن وتأباه السنة قوى عقيدته بخطئهم وركونهم إلى البدع ما جاء في السنة بأن المسلمين لا بد أن يغيروا وأن يسلكوا مسالك الذين قبلهم كالحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الأول حديث الأول رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والحديث الثاني رواه الإمام مسلم رحمهم الله جميعا. Tout s'est confirmé dans sa tête que cette situation mauvaise dans laquelle ils étaient dans la religion et dans leur vie s'est confirmé dans sa tête. Et il a eu la certitude que les gens ont introduit dans les fondements de l'islam ce que le Coran n'accepte pas et ce que refuse la sunna du prophète alayhi salam. Tout ceci a renforcé, toutes ces erreurs ont renforcé son dogme. Et le fait que les gens faisait des innovations qui étaient dans l'associationnisme, ceci a renforcé le dogme de Cheikh Mohammed Ibn Abdelhab et a renforcé sa croyance que ce qu'avait dit le prophète alayhi salam devait arriver, il est arrivé, c'est que les gens allaient changer la religion et qu'ils vont prendre la voie de ceux qui sont passés avant eux, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, vous allez suivre les voies de ceux qui sont avant vous, un pont par un pont. S'ils rentrent dans le trou d'un varan, vous allez y rentrer. Et le hadith du prophète alayhi salam rapporté par l'imam Muslim, l'islam a commencé étrange et il va redevenir étrange comme il a commencé. حينئذ صمم الشيخ أن يعلن لقومه بأنهم قد ضلوا الطريق السوي وزاغوا عن منهج الصواب. وقد ابتدأ الشيخ رحمه الله دعوته يبين لهم أن لا يدعى إلا الله ولا يذبح ولا ينذر إلا له. ومن عقيدتهم في تلك القبور والأحجار والأشجار الاستغاثة بها وصرف النذور إليها واعتقاد النفع والضر فبين أن ذلك كله ضلال وزور وبأنهم في حالة لا ترضي الله فلا بد من نبذ ذلك ورده. À ce moment-là, Cheikh, sur lui, qui allait avertir son peuple comme quoi ils se sont égarés. Ils ne sont plus sur la voie droite. Et Sheikh a commencé, rahmatullah alayh, à les éclairer, à leur dire et à leur montrer qu'il ne faut pas, qu'il ne faut rien demander à autre qu'Allah azzawajal, qu'il ne faut égorger que pour Allah, qu'il ne faut faire des vœux que pour Allah azzawajal. Et parmi leurs dogmes, dans ces tombes et dans ces pierres et dans ces arbres, c'est qu'ils leur demandent secours et qu'ils leur ramènent nuzur. Et qu'ils croient que ces tombes et ces pierres et ces leur font le bien, leur donnent le mal. Et Cheikh Mohammed rahmatullah alayh leur a montré que tout ça c'est un égarement et que c'est faux et que ça c'est une situation que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas, qu'il faut la délaisser et lui donner le dos. وعزز كلامه بالآيات من كتاب الله وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. Il a donné la force à ses paroles avec la parole d'Allah Azza wa Jal et avec les paroles du prophète alayhi salatu salam et les actes du noble compagnon du prophète alayhi salatu salam رضي الله عنهم. فعقيدة الشيخ فكانت عقيدة الشيخ رحمة الله عليه كعقيدة السلف الصالح وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والبخاري ومسلم وأبي داود وسائر أهل السنن وأمثالهم ممن تبعهم من أهل الفقه والأثر كالأشعري وابن خزيمة وتقي الدين ابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا. Les croyances de Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahmatullah alayh étaient les croyances de les plus aïeux radhiyallahu anhum. Ils étaient sur un dogme sur lequel était le prophète alayhi salatu salam, ses compagnons et ceux qui les suivent à la perfection et les imams de la guidée qui sont Aba Hanifa, l'imam Malik, Shafi'i, l'imam Ahmed, Sufyanain, Sufyan Tawri et Sufyan ibn Uyayna, ibn al-Mubarak, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, Abi Daoud, Wasa et tous les gens de la Sunna et ceux qui les suivent parmi les gens de la jurisprudence et parmi les gens qui suivent les preuves comme l'Ash'ari, comme Ibn Khuzayma et comme Taqi al-Din Ibn Taymiyya et comme Ibn al-Qayyim et Zahabi et d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et qui les couvre de sa sainte miséricorde. Wa kana li sheikh rasa'il fi aqidatih fa min tilka rasa'il ma katabahu li ahli al-Qasim qala rahimahullah ba'da al-basmala أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. الشيخ bien sûr il avait envoyé beaucoup de lettres à beaucoup dans différentes régions et ces lettres qui montrent ses croyances et parmi ces lettres dans lequel il montre ses croyances, c'est quoi ses croyances, cette lettre qu'il a envoyée aux gens d'Al-Qasim, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, après, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit, j'atteste, je prends comme témoin Allah et les anges qui sont présents, et je vous prends comme témoin que je crois en ce que croyaient les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, la même j'ai la même foi qu'eux en Allah Azza wa Jal, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection après la mort, en le destin bon et mauvais. Wa min al-iman billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa ala lisan rasulihi sallallahu alayhi wa sallam min ghayri tahrif wa la ta'til bal a'taqidu anna Allah laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami' al-basir. Il fait partie de la foi on Allah Azza wa Jal, qu'avait Cheikh Rahmatullah alayh, qui est la même que celle des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, et croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit. Les choses, croire qu'on véridique, ou les choses avec lesquelles les descriptions que Allah subhanahu wa ta'ala s'est données dans son livre et par la voix de son messager alayhi salatu salam, sans dépouiller les sens, et sans dépouiller les sens, ils sont détournés les sens. Et il dit, je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et il est celui qui entend et celui qui voit. فَلَا أُنْفِي عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا أُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا أُلْحِدُ فِي أَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ وَلَا أُكَيِّفُ وَلَا أُمَتِّلُ صفاته بصفات الخلق، لأنه تعالى لا سمي له ولا كيف له ولا كيف ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، منزه نفسه عما وصف به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. فقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Donc il cherche de dire, et moi, je ne mets pas de côté ce que Allah, les choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même. Et je ne dépouille pas les sens, je ne change pas le sens des mots, et je ne déplace pas de leur place. Et je ne dépouille pas les noms d'Allah azza wa jal, ainsi que ses signes, et je ne cherche pas un commun aux attributs d'Allah azza wa jal, un commun dans ses créatures. Car Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui est égal, rien ne peut lui être égal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui fait pas l'analogie avec ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui se connaît lui-même au mieux. Et il est le plus véridique dans la parole. Et il est au-dessus de tout, de toute description que lui font ceux qui sont en divergence avec les gens de la sunna. Et ceux qui sont unanimes sur la sunna, il est au-dessus de toute description que lui font les gens qui cherchent le comment des attributs et qui lui font des ressemblances. Et il est au-dessus de tout ce que n'ont pas reconnu ceux qui ont mis de côté, ceux qui ont dépouillé les sens, ou là qui ont mis de côté les attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah est au-dessus de tout ce qu'ils décrivent. Et la paix sur les messagers. Et Allah, toute la louange, Seigneur des mondes. Vous voyez que le dogme du Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdullah, rahmatullah alayhi, il est tout à fait le dogme de l'imam Ahmed, le dogme des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dont les noms et les attributs d'Allah azza wa jal, il ne dépouille pas les sens, il ne cherche pas le comment, il ne cherche pas des exemples à Allah azza wa jal ou des équivalents à Allah azza wa jal. Mais il a une croyance qui est la croyance des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. ويقول رحمه الله: فالفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. Il dit que le groupe sauvé, la fraction sauvée, il est dans le juste milieu au niveau des actes des adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Il est entre eux, il se trouve entre eux au milieu de l'Qadariya et de l'Jabriya. L'Qadariya, ceux qui ont rejeté, qu'ils disent qu'il n'y a pas de destin, et l'Jabriya, ils disent que l'être humain est obligé de faire ce qu'il fait. Et les hommes de la sunna sont au milieu. C'est la croyance de Mohammed ibn Abdullah, rahmatullahi alayhi, et la croyance de nos plusieurs, wallah alayhi. Et il dit aussi que les hommes de la sunna sont au milieu entre le Morji'a et le Wa'idiya. Le Morji'a, ceux qui ont sorti les actes de la foi, et le Wa'idiya, ceux qui disent que celui qui tombe dans un péché capital, il est éternel au feu de l'enfer. Donc, et les hommes de la sunna sont au milieu. On voit encore une fois que l'imam Mohammed ibn Abdullah, il est sur la voie de ne plus être d'Allah alim au niveau de ses croyances. Et il dit aussi: وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. Il dit aussi que les hommes de la sunna sont dans le juste milieu au niveau de la foi et de la religion entre الحرورية والمعتزلة. Al-Haruriya, un terme pour désigner le Khawarij. Et ils sont aussi au juste milieu entre le Morji'a et le Jahmiya. Donc, on voit encore une fois que Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdullah, rahmatullah alayhi, il est sur la voie de ses puzer, radhiyallahu alayhim, voie qui donne le dos à toutes ces croyances de tous ces groupes qui ont dévié de la voie de leur puzer, radhiyallahu alayhim. وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافد والخوارج. Et il dit aussi que les hommes de la sunna sont dans le juste milieu en ce qui concerne les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont dans le juste milieu, ils n'ont pas pris la voie d'Al Rawafid, ils n'ont pas pris la voie d'Al Khawarij. Encore une fois, que Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdullah, rahmatullah alayhi, est sur la voie de ne plus être d'Allah alayhi. واعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني aussi je crois que le Coran c'est la parole d'Allah عز وجل et c'est la croyance de nos puissants d'Allah عليه et qu'il a été descendu, que c'est pas une créature et qu'il a commencé d'Allah et qu'il va revenir vers Allah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala parlait en réalité, il a parlé avec le Coran. Hein? Et il l'a descendu sur son serviteur et messager et son homme de confiance pour sa révélation et son ambassadeur entre eux et son ambassadeur entre Allah et l'ambassadeur d'Allah entre Allah et ses serviteurs qui est notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On voit encore une fois que le dogme de Mohammed ibn Abdullah, rahmatullah alayh, c'est le dogme de l'opposeur d'Allah alayhim. Wa aminu bi anna Allah fa'alu lima yurid wa la yakunu shay'un illa bi iradati wa la yakhruju shay'un an mashi'atihi. Wa la yakhruju an mashi'atihi shay'un wa laysa shay'un fil 'alam yakhruju an taqdirihi wa la yasduru illa an tadbirihi wa la muhidu li ahadin 'an al-qadar al-mahdud. Wa la muhida li ahadin 'an al-qadar al-mahdud wa la yatajawazu ma khutta lahu fil lawh al-masdur. Et il dit, je crois que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Et rien ne serait existé sans le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Rien ne sort du vouloir d'Allah Azza wa Jal. Et rien ne sort du destin qu'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers. Tout vient min Allah Azza wa Jal. Et personne ne peut échapper au destin qui lui est destiné. Et personne ne peut passer la limite qui est transcrite dans Lawh al-Mastour. Qu'on voit encore une fois qu'à ce niveau-là aussi, au niveau du destin, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il est sur la voie de ne plus être de Allah alayhim. Wa a'taqidu bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma yakunu ba'da al-maut. Et je crois en tout ce qu'a annoncé le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui va être après la mort. وأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. Et je crois en la fitna du qabr et en les délices de la tombe et en les châtiments de la tombe et que les âmes vont revenir dans les corps et que les gens vont se lever pour le Seigneur des mondes, ils vont sortir de leur tombe, ils vont être ressuscités, ils seront pieds nus, ils seront dévêtus. Et ils ne seront pas circoncis, et que le soleil va se rapprocher d'eux, et qu'il va y avoir les balances, et que ces balances vont peser les actes des serviteurs. Et, cher de citer ce verset, dans le sens dit, et celui dont les actes sont lourds dans la balance, dans la bonne œuvre est lourde dans la balance, ceux-là, ce sont ceux qui ont gagné. Et celui dont les actes sont, ne pèsent pas grand chose dans la balance, cela ce sont ceux qui ont perdu, qui se sont perdus et qui vont être dans éternellement dans Jahannam. Et que les manuscrits vont s'étaler à tout un chacun. Et il y a certains qui vont prendre leurs manuscrits avec leur main droite et les autres qui vont les prendre avec leur main gauche. Encore une fois, on voit dans ces paroles et dans ce paragraphe le dogme des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna. وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Et je crois en le bassin du prophète عليه الصلاة والسلام qui sera le jour de la résurrection. L'eau de ce bassin, il est plus clair que le lait caillé, il est plus sucré que le miel. Et les ustensiles pour servir cette eau sont au nombre des étoiles dans le ciel. Et celui qui boit de cette eau, il n'aura plus soif. وأؤمن بأن الصراط منصور منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. Et je crois que le pont Sirat sera étalé hein, sur Jahannam et les gens vont passer selon leurs actes. Chacun va passer dont sa rapidité sera équivalente à ses actes. Encore une fois, on voit que dans ce passage, Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdullah, rahmatullah alayhi, il a le dogme de ne plus erreur de Allah alayhim. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع. Et je crois en l'intercession du prophète عليه الصلاة والسلام qui c'est le premier qui va intercéder et le premier duquel sera accepté l'intercession. ولا ينكر شفاعة النبي إلا أهل البدع والضلال ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن والرضا كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله وأما المشركون فليس لهم في الشفاعة نصيب كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Il dit ne reconnaît pas l'intercession du prophète عليه الصلاة والسلام que les gens de l'égarement et de l'innovation. Mais il a dit que l'intercession va être après l'ordre et l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Après que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné l'ordre d'intercéder et que Allah subhanahu wa ta'ala agrée celui pour lequel il va y avoir l'intercession. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'intercède que pour ceux qu'il agrée. Et il a dit aussi, qui va intercéder chez lui sans son ordre? Il faut l'ordre d'Allah Azza wa Jal l'avant. Il dit combien d'anges dans les cieux, leur intercession ne servira à rien et à personne avant qu'ils aient reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à qui il veut et il agrée ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée que l'unicité. Il n'ordonne l'intercession que pour les gens de l'unicité. Quant aux associateurs, ils n'auront pas leur part dans l'intercession. Allah subhanahu wa ta'ala dit de فَمَا تَنْفَعَهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. À quoi ça va leur servir? Ça va leur rien servir l'intercession de ceux qui vont intercéder. وَيَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأُؤْمِنُ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ وَأَنَّهُمَا الْيَوْمَ مَوْجُودَتَانِ وَأَنَّهُمَا لَا تَفْنَيَانِ. Et il dit rahmatullahi alayh, et je crois en le paradis et en l'enfer qu'ils sont créés et qu'ils sont aujourd'hui. Ils existent aujourd'hui et qu'ils ne vont pas périr, ils ne vont pas se terminer. Et ça, c'est le dogme de nos plusieurs, d'Allah alayhim encore une fois. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ. Et que les croyants vont voir leur Seigneur le jour de la résurrection, comme ils voient la lune, la pleine lune. Ça aussi, c'est une croyance de nos plusieurs, d'Allah alayhim, dans laquelle s'est égaré beaucoup de groupes. وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. Et je crois en la prophétie de Mohammed عليه الصلاة والسلام, qu'il est le sceau des prophètes et des messagers عليه الصلاة والسلام. Et la foi d'un serviteur ne serait complète et valide que si il croit en le message et qu'il atteste de la prophétie de Mohammed عليه الصلاة والسلام. وأفضل أمتي أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. Et le meilleur, encore une fois, il va nous montrer qu'il n'est pas sur la voie des Rafida et des Shia. Il nous dit le meilleur de cette communauté, le meilleur de cette communauté étant Abu Bakr Siddiq. Et ensuite Omar al-Farouq, et ensuite Uthman, l'homme des deux lumières, et ensuite Ali, l'agréé, et le reste parmi les dix à qui a été annoncé le paradis par le prophète alayhi salatu wasalam, et les gens de Badr, et les gens qui ont fait leur allégeance sous l'arbre, l'allégeance de l'agrément, et le reste des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. On voit que là aussi, Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdullah, il nous montre qu'il n'est pas sur la voie des Rawafid. Akhzahum Allah. Wa atawalla ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa adhkuru mahasinahum. Wa astaghfiru lahum. Wa akuffu an masawihim. وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Et je suis l'allié des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Et je les prends comme mes alliés. Et je ne les cite qu'avec le bien. Et je ne raconte que le bien. Et je demande à Allah سبحانه وتعالى qu'il leur pardonne. Et je ne parle pas de leurs mauvais actes, de choses mauvaises sur eux. Je ne dis pas des choses mauvaises sur eux. Et je me tais sur les litiges qu'ils ont eus entre eux. Et je crois en leur vertu. En mettant en application la parole d'Allah, Azzawajal, qui dit, « Ceux qui sont arrivés après eux, ils ont dit, « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui étaient les premiers, qui nous ont devancés dans la foi. Ils ne met rien dans notre cœur. » Aucune chose, pour ceux qui ont cru. On voit encore une fois que là, Mohamed ibn Abdullah, rahmatullahi alayh, mis à pied d'égalité tous les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, qui les prend tous comme alliés et qui ne les cite qu'avec le bien, contrairement à nos contemporains qui n'arrêtent pas de dénigrer sur Muawiyah radiallahu ta'ala anhu arda et sur Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu arda. Certains de nos contemporains qui écrivent ça dans leurs livres ou là dans leurs revues, etc., là, qui le disent comme ça devant les gens. Et je fais des du'as à toutes les mères des croyantes qui sont pures de toute sueur et de tout mal. Encore une fois, il nous montre qu'il est différent de la voix des Rafida qui dénigre sur Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha. وأقر بكرامة الأولياء إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا أي لا يستحقون أن يستغاث بهم ولا أن يندر لهم ولا يطلب منهم المدد ولا الاستعانة ولا الذبح لهم. Et je confirme les choses extraordinaires avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala comble ses alliés. Mais ils ne méritent pas un des droits d'Allah Azza wa Jal. Ils ne méritent pas qu'on leur demande secours, ils ne leur méritent pas qu'on leur égorge, ils ne leur méritent pas qu'on cherche auprès d'eux l'aide, etc. Tout ça doit être dû à Allah Azza wa Jal. ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. Et je n'atteste à aucun musulman. Je ne lui dis pas celui-là il va au paradis, celui-là il va en enfer. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala, quel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je n'atteste le paradis et l'enfer qu'à ceux à qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'aura attesté. Mais j'espère pour le bienfaisant et j'ai peur pour celui qui est dans l'erreur. Mais j'espère pour le bienfaisant et j'ai peur pour celui qui est dans l'erreur. Et là, il y a un passage très important. ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنبه ولا أخرجه من دائرة الإسلام ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنبه ولا أخرجه من دائرة الإسلام. Et ici, il y a un passage très important. Et je ne rends pas mécréant un musulman par un péché qu'il aura commis. Et je ne le sors pas de l'islam. Contrairement à Al-Khawarij, ils sont en train de nous montrer que ceux qui disent que le Wahhabia, c'est des kfiriyun, ils n'ont rien compris. C'est faux. Ils sont en train de dire n'importe quoi sur cette voie et ce mouvement d'Al Mohammed ibn Abdullah, rahmatullah alayh, qui dit je ne romps pas mécréant un musulman avec un péché et je ne le sors pas de l'islam. Et encore une fois, وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أم فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. Il dit je vois le combat avec tout imam, qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers, peu importe, il voit que le jihad est avec lui est obligatoire et que la prière derrière eux est valable. Regardez, contrairement à ce que disent les Khawarij, qui font mécréant tous les gouverneurs maintenant, presque tous les gouverneurs de l'islam maintenant. Regardez cet imam. Et je vois que le combat est obligatoire avec tout imam, qu'il soit pervers ou là qu'il soit pieux, et qu'il est valable de prier derrière eux. والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. إني combat, il est c'est une obligation dans cette communauté depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salam jusqu'à ce que le dernier de cette communauté, les derniers de cette communauté vont combattre l'antichrist. Et personne, et le combat ne doit pas être annulé par l'injustice d'un injuste. Et par, il ne doit pas être annulé par la justice d'un juste. Il dit, rahimahullah, وَأَرَى وُجُوبَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةِ. Et je vois l'obligation d'écouter, d'obéir aux gouverneurs musulmans, les pervers et les pieux, tant qu'ils ordonnent une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Regardez encore une fois ceux qui traitent le Wahhabiyyin d'être des Tkfiriyyin. Regardez. Et ils voient l'obligation d'écouter, d'obéir au gouverneur, même si le gouverneur est pervers. Qu'il soit pervers ou pieux, il voit l'obéissance au gouverneur tant que le gouverneur n'ordonne pas la désobéissance à Allah, Azza wa Jal. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. Il dit que tout homme, tout gouverneur qui a pris la khilafa et que les gens se sont tournés, se sont réunis autour de lui et ils l'ont agréé, même s'il a pris cette khilafa et cette gouvernorat après le pouvoir avec les armes, et que après qu'il ait pris les armes, il a eu le dessus et il a pris la khilafa, il est obligatoire de lui obéir, il est interdit de se révolter contre lui. Donc, il voit le fait de se réunir autour de son gouverneur, même si le gouverneur a pris le pouvoir par un putsch militaire ou autre. Il est obligatoire de lui obéir et il est interdit de se révolter contre ce gouverneur. Et il dit, je vois le fait de quitter et de délaisser les gens de l'innovation et d'être différent d'eux jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et je le juge selon leur apparence et leur intérieur, il est Allah, Azza wa Jal. Je le quitte, je ne m'assois pas avec eux, et je montre la différence vis-à-vis d'eux jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et je le juge selon leur apparence et leur intérieur, il est Allah Azza wa Jal. Et je crois que toute innovation dans la religion, toute nouveauté dans la religion est une innovation. وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. Il dit, je crois que la foi, c'est une parole avec la langue, et ce sont des actes avec les membres, est une croyance dans le cœur, il augmente avec l'obéissance, et il diminue avec la désobéissance, et il est plus de 70 branches. Le plus haut de ces branches, c'est l'attestation n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et le plus bas de ces branches, c'est le fait d'enlever le mal sur le chemin. Regardez cette voie, cette foi, ce dogme qu'avait Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdullah rahmatullah alayh. Il avait la foi de ne plus ayur d'Allah alayhim. وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توحيه الشريعة المحمدية الطاهرة. Et je vois l'obligation d'ordonner le bien et de blâmer le mal selon ce que dicte la législation de Mohammed alayhi salatu wassalam. فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل. Il dit, ça c'est un résumé de mes croyances que j'ai écrit alors que j'étais préoccupé, pour que vous sachiez ce que j'ai et ce que je, les choses sur lesquelles je crois et ce que je fais. Après cette croyance, après cette clarté dans l'expression de cette croyance, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, ceux qui disent que l'Ouhabiyoun, c'est le Kfiriyoun, A'oudou Billah. Ou là, l'Ouhabiyoun, c'est un cinquième d'Ab, A'oudou Billah. L'imam Mohamed ibn Wahhab, il était sûr, selon la voie d'Al Hanabila. Mais il avait l'aqida, depuis Zayr, d'Allah alayhim. Et c'était un homme qui cherchait la preuve. قلتو فهذه عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة نقلتها بكاملها لأن عقيدة أهل السنة والجماعة دون نقص أو زيادة وفيها من الفوائد العظيمة الشيء الكثير ويجب على كل مسلم أن يعتقد هذه العقيدة ومن لم يعتقد هذا المعتقد الصحيح السليم فهو ليس من أهل السنة والجماعة بل نخشى عليه من الضلال والزيغ. Donc ça, c'est le dogme de l'imam Mohamed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayh, dans cette rissa-là. Je l'ai dicté complètement parce que c'est le dogme des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna sans rien diminuer, sans diminution et sans rajout. Ça, c'est le dogme de ne plus erreur d'Allah alayh. Et il y a des points énormes à retenir dans cette rissa-là. Et par la même occasion, Mohamed ibn Hadi Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, rahmatullah alayh, lors du pèlerinage de 1425, il l'avait expliqué de quoi qu'il doit exister en 5 cassettes. Et il appartient à tout musulman de croire ce dogme et d'avoir ce dogme. Et celui qui n'a pas ce dogme authentique et saint, il ne fait pas partie des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Il y a fort à craindre pour lui qu'il ne soit pas parmi les gens de l'égarement. صلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.